On va parler avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saint-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut de la Radio Sport. Benoît, on va se parler évidemment de l'impact. Ça a été une défaite hier, la semaine passée à Houston. Défaite qui a fait mal. En fin de match comme ça, un but en fin de match, non? Ben, une défaite qui a fait mal dans le sens que, écoute, l'impact a quand même pris les devants 1-0. Un beau but de taille d'air quand même. Un centre, puis il a pris une belle réception de balle et réussi à faire un beau but. Après ça, ben le jeu allait nulle part un peu. Je veux dire, beaucoup de ballons perdus, l'impact, là, les mauvaises réceptions de balles. Le défenseur qu'on annonce là, comme un des meilleurs défenseurs de la Ligue Diallo à défense centrale, il doit réussir ses passes plus que ça. Tu sais, fait des passes souvent, puis c'est souvent l'autre équipe qui se retrouve avec le ballon. Piatti était marqué de près. Tu sais, souvent, on parle de Piatti, qu'il y a des matchs qu'on ne voit pas. Mais peut-être qu'il n'est pas dans son match, mais peut-être aussi qu'il est marqué aussi. Mmh. Peut-être qu'il y a deux, trois gars là-dessus. Parce que les équipes de la MLS connaissent Piatti de plus en plus. Le connaissent, savent que c'est un des meilleurs joueurs dans la ligue. Et il était marqué. Mais ça, Danny, quand tu marques un joueur comme ça, qu'est-ce que ça fait? Ça libère d'autres joueurs. Mmh. Donc, normalement, t'es supposé de profiter de ça aussi. Cabrera, défensif, est surprenant, a tiré un bon match. Puis l'autre joueur, je veux te parler, c'est Jackson Hamel. Parce que tu sais que l'année passée, avec Rémi Garde, il y avait de la difficulté un peu à avoir du temps de jeu. Et là, cette année, au deuxième match, on lui donne peut-être une fin de match, mais il faut qu'il réponde présent. Puis quand il faut qu'il redonne, il reprenne la confiance, qu'il donne la confiance à son entraîneur de l'utiliser plus souvent. Alors, quand il est appelé à aller sur le jeu, faut qu'il réponde présent. Puis il faut que ça fonctionne, son affaire, parce que la semaine dernière. Avec Rémi Garde, par le passé, ça n'a pas toujours été. C'est ça. Et dans le match, la semaine dernière, il y a eu deux, trois réceptions de balles qui a donné le ballon à notre équipe, et dont le but gagnant s'est fait sur son action à lui, qui a échappé le ballon en haut, puis ça a descendu à contre-attaque, puis ça a été le but gagnant pour Houston. Donc, Jackson Hamel, s'il veut être dans les bonnes grâces de Rémi Garde, il va falloir que quand il y a du temps de jeu, qu'il réponde positivement. Oui, effectivement. Donc, on joue contre Orlando, qui est une concession qui existe depuis 2015, qui c'est couci couça. Oui, mais c'est ça. Tu sais qu'Orlando a perdu caca l'année passée, il y a 2 ans. Fait que je sais pas si on est en mode reconstruction pour de nouveau un gros joueur comme ça, aller chercher un autre joueur comme ça, ou on y va avec les jeunes des équipes de jeunes qu'il y a alentour de ce club-là, à voir pour ce club-là. Donc le match est samedi à 16h. J'ai hâte de voir Danny, là, quand les 6 matchs à l'étranger vont être joués de la part de l'Impact, comment est-ce que la fiche va être au niveau, quelle fiche qu'ils auront? Et à ce moment-là, on va prendre des décisions. Est-ce qu'on va chercher des joueurs au mercato d'été à la fin des saisons européennes? Ben Rémi Garde. La question, c'est y répondre. C'est sûr que Rémi Garde a des bons contacts avec l'Olympique de Lyon. Donc, ce sera pas surprenant d'avoir des nouveaux arrivés. Est-ce qu'on aura une arrivée d'un attaquant de pointe? Alors, avoir l'attaque, là, d'impact. Déjà, en 2 matchs, on s'en sort bien présentement. Si tu regardes la fiche technique du match, écoute, ça a fini en possession de balle la semaine dernière. L'Impact a fini avec 51% de possession de balle contre 48%. Donc, c'est un match très égal. Faut pas perdre ces matchs-là en fin de match. Les points qu'on va aller chercher à l'étranger en début de saison, ils vont être importants là, à la fin de la saison. On s'en rappelle l'année passée, on a manqué des séries de 4 ou 5 points. Là. Effectivement. Donc c'est vraiment... Écoute, puis Garde quand même nié cette semaine. Donc ça, c'est pas mauvais non plus. Mais tu sais, on l'a dit en début d'année, hein, Rémi Garde l'année passée, c'est son... Rémi Garde, tu sais, le temps qu'il s'habitue, le temps qu'il s'habitue, ça prend un certain temps. Cette année, le fait de l'avoir en début de saison, ça devrait aider. Là. Oui, moi, je suis sûr que oui. Oui. Maintenant, si on y allait avec... maintenant avec la Ligue des Champions, je suis pas sûr du tout. Là. Je vais te dire, là, depuis que KRDS a perdu les doigts, là, je sais même pas ce que c'est. Je sais qu'il y a eu des matchs cette semaine, mais rappelle-moi ce qui se passe. Ben oui, écoute, Danny, tu sais qu'on j'aime beaucoup parler des championnats européens parce que les gros canons, les gros joueurs de la planète foot sont tous là. Je te dirais, Ligue des Champions, les tirages au sort ont eu lieu hier. On a eu des gros matchs, on a eu des gros clubs éliminés. Le rendez-vous de la semaine, c'est bien entendu Juventus Real Atlético Madrid. Hein. On sait que la finale cette année est dans le stade de l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano, où est-ce qu'on est allé avec nos jeunes l'année passée. Et puis, l'Atlético a réussi à garder son joueur vedette, Griezmann, Antoine Griezmann, le Français. Mmh. Alors, Ronaldo, au match aller à Madrid, une victoire de l'Atlético 2-0. Et au match retour, Ronaldo avait annoncé, Cristiano Ronaldo avait annoncé que on allait battre l'Atlético, donc on était en retard de deux buts. Ça se termine 3-0 pour leur Juventus. Un triplé de Ronaldo. Écoute, incroyable. Il est allé dire en fin de match à la presse, aux médias, que il avait été, le club est allé le chercher pour ça. Ben là, il a signé présent lors de ce match-là. Les autres gros rendez-vous, écoute, de Manchester City qui a gagné son match retour 7-0 contre l'équipe de Schalke, un club allemand. T'as le club de Tottenham en Angleterre qui a battu le Borussia Dortmund, qui a remporté contre le Borussia Dortmund, donc avec Harry Kane, le gros attaquant que, d'après moi, le Real Madrid va aller chercher. Tu as ensuite Barcelone qui a battu Lyon. Donc, on se retrouve... l'autre gros rendez-vous qu'il y avait, c'est Liverpool FC qui a battu le Bayern de Munich au match de 3-1 dans le match à Munich. Donc, le Bayern est en reconstruction un petit peu avec Ribéry et puis Robben. Ribéry a annoncé sa fin de parcours, Danny, avec le Bayern de Munich. Moi, j'ai lancé ça sur Facebook. Est-ce que Ribéry serait le fun de voir arriver ça à Montréal? Oui, mais il est resté, le gars, c'est vraiment un gars en fin de carrière. Il a fait sa carrière beaucoup avec le Bayern. Ça fait des années qu'il est là. Il a gagné plusieurs championnats. Une Ligue des champions en Europe aussi. Ça serait vraiment intéressant de voir, mais est-ce que lui, ça l'intéresse, le projet? Est-ce que ça, plutôt, est-ce que le Rémi Garde, c'est le genre de joueur qu'on veut aller chercher? Surtout quand on regarde un peu, on a des jeunes, beaucoup, on veut avoir des jeunes. Mais quand tu regardes la défensive de l'Impact, on a un gars comme Bakary Sagna qui est en fin de carrière. Oui, ça serait intéressant, mais c'est à voir. Donc, Danny, les quarts de finale ont été tirés. T'as Manchester United qui a été tiré contre la FC Barcelone. Ça va jouer au mois d'avril prochain. Ça va être très intéressant de voir ça. Moi, je pense que le FC Barcelone devrait remporter ce rendez-vous-là. Ensuite, dans les autres rendez-vous, Danny, je suis en train de regarder là, ma feuille de match. C'est dommage, là, je vais faire un commentaire. Puis je vais peut-être parler à Jean-Lunel prochainement. C'est sur DAZ. Sur DAZ Zone d'exclusivité, là. Par contre, on ne l'a pas en français. Donc, RDS pourrait toujours se dire, ou TVA Sport pourrait toujours se dire... Danny, oui, les matchs sont en français, je suis abonné, sur moi. Hein? Sur DAZN? Oui, sur DAZN, ils sont en français, fait que, tu sais, comme... OK, c'est sur BN, ouais. C'est ça? C'est ça, mais c'est BN Sport, en fait, je pense, et puis avec DAZN, ils sont associés. Je te dirais, Danny, pour les autres rendez-vous des quarts de finale... Je te parlais de Barcelone, Manchester United, de Tottenham contre Manchester City, ça va être tout qu'un rendez-vous avec Pep Guardiola. Dans l'autre rendez-vous, tu as Liverpool avec le FC Porto et l'Ajax Amsterdam contre le Juventus. L'Ajax qui a sorti le Real Madrid. Et je te dirai tantôt qu'est-ce qui s'est passé au Real Madrid. On va en parler peut-être un petit peu du retour de Zinedine Zidane comme entraîneur. Une drôle d'histoire aussi, ça. Donc, des quarts de finale très relevés à voir. Donc, il y a 4 équipes anglaises sur 8. Donc, cette année, c'est les équipes du championnat anglais là qui reviennent. Là. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas vu 4 clubs d'Angleterre en quart de finale. Donc, intéressant. Un club espagnol. Donc, on n'a plus le Real puis l'Atlético. Donc, à voir au mois d'avril prochain. Là, ça va être de beaux rendez-vous, ça. Effectivement. OK, maintenant, la Ligue Europa. Il se passe quoi, la Ligue Europa? Est-ce que tu as oublié de te demander? J'ai pas regardé, Danny. Je mets vraiment plus d'emphase, okay. Moi, sur la Ligue des champions Europe. La Ligue Europa, si tu veux qu'on en reparle dans une chronique, ils sont rendus dans les huitièmes de finale. Donc, dans les quarts de finale, quarts ou huitièmes, les tirages au sort ont eu lieu hier. Si tu veux qu'on fasse un tour, on peut, mais je... Non, regarde, c'est pas grave, ça reste mineur pareil. Hein. Fait que c'est ça. Maintenant, si on y allait maintenant avec de quoi quand les Wackers manquent quoi? Maxime Capot qu'on a un bon début de saison, hein? Ben Maxime Crépeau est utilisé tout d'abord par Marc Dos Santos, hein, est allé le chercher. Puis oui, un bon début de saison. Puis d'ailleurs, quand tu m'amènes justement sur un sujet par rapport à ça, que Maxime Crépeau a été sélectionné dans la liste des 23 pour l'équipe nationale canadienne. Il y a 4 Québécois qui ont été sélectionnés, Danny. Comment je te dirais ça? Il y a Maxime Crépeau, il y a Balou Tabla qui est en Espagne, qui est plus avec le Barcelone B, mais qui est maintenant rendu avec un autre club de Ligue 2. Ce club-là, maintenant, est en train de travailler pour peut-être embarquer dans la Liga numéro 1 l'an prochain. Je pense que c'est un prêt qu'on a fait. Balou Tableau, ça a 19 ans, là, 19-20 ans, c'est encore jeune, donc il y a encore de l'espoir avec ce gars-là. Balou Tableau est là. L'autre Québécois qui a été sélectionné au niveau de il y a Zachary Béguillard, qui est un gars qui a joué en France, mais c'est un Québécois d'origine quand même. Il était avec l'Olympique de Lyon, il est rendu avec l'Impact de Montréal. Et il y a aussi Samuel Piette, bien entendu, le Québécois. Donc, on a quatre Québécois qui vont être là. Il y a aussi Daniel Lovitz, qui va jouer pour l'équipe américaine. Donc, le match va avoir lieu, là. Davis, doit être là aussi, Alfonso Davis. Oui, je vais t'en parler justement. Lui, le match va avoir lieu le 24 mars prochain au BC Place à Vancouver, donc contre la Guyane française. Il faut rappeler, Danny, que le Canada doit terminer dans les 10 meilleures équipes de la zone CONCACAF pour peut-être participer à la Gold Cup qui va y avoir cet été. Là. Et oui, comme tu viens de le mentionner, Alfonso Davis, moi je suis un peu qu'est-ce qui se passe avec lui, avec le Bayern de Munich. Tu sais, il n'est pas utilisé dans le 11 partant, mais tu sais, ces équipes-là... Écoute, le gars a 19 ans, là. Déjà, d'être le Bayern Dominique en Ligue A, c'est déjà extraordinaire. Comment je te dirais, il n'est pas dans le 11 partant, mais il est toujours sur la liste de remplaçants. Quand un entraîneur donne sa liste de joueurs pour un match, il y a 11 joueurs, il y a 6 ou 7 remplaçants. Je pense que c'est 18 joueurs au total. Mais ils ont plus que 10 joueurs dans les équipes, là. Ils ont 24-25 joueurs, là. Ils ont presque 2 équipes, là. Donc, il est toujours dans les remplaçants. Et de temps en temps, dans les fins de match, il est utilisé. Comme là, cette semaine, contre le FC Liverpool, il n'a pas été utilisé. Mais quand même, il est toujours là. Donc, ça veut dire que c'est le futur du Bayern, ce joueur-là, à suivre. Donc, il va être l'équipe canadienne aussi à Vancouver. Ouais. OK. Là, tu veux me parler de, en terminant ta nomination, une belle nomination au sein de l'ARS, enfin. Il y a du monde dynamique. Il a l'impression par le passé que c'était plus ou moins dynamique. Fait que... C'est aussi d'avoir une représentation des gens du Lac-Saint-Jean. Il y a beaucoup de gens du Saguenay qui s'impliquent là. On sait que le membership est plus gros là, mais le Lac-Saint-Jean, on s'entend que l'ARS, ça couvre toute la région. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse de m'impliquer à ce niveau-là, au niveau d'une implication que... De par le soccer, que je suis toujours intéressé à ça, de par le développement du soccer régional un peu, que ce soit dans le haut du lac, que ce soit à Saguenay, parce qu'à Saguenay, ça en vient un gros dossier, là. On veut amener un club qui va amener le club Saguenay. Il y a déjà des rencontres là-dessus. Chicoutimi-Jonquière, Saint-Amboise, et puis Chipcha. Donc, il va y avoir des puis l'abbé là-dedans. Donc, il va y avoir, je sais pas si Chipcha rentre là-dedans, mais en tout cas, je sais que l'abbé là-dedans aussi. Il va y avoir des grosses discussions au sein de l'ARS, là, puis au sein de ces clubs-là pour en arriver. Comme au hockey, ça s'est fait au hockey, pour avoir le club Saguenay au soccer, donc pour avoir plus de pouvoir un peu au niveau régional. Est-ce que la Première Ligue, parce que je sais que c'est ton rêve, est-ce que c'est la Première Ligue que tu pourrais... Ah, c'est sûr que j'ai des idées que je vais amener. Moi, je veux travailler au niveau du développement du futsal dans la région un peu. Je veux amener ça dans les écoles secondaires, qu'il y ait des ligues de futsal dans le réseau du sport étudiant au niveau régional. Ensuite, au niveau de la Première Ligue, une équipe régionale qui aurait des joueurs de l'extérieur avec des joueurs régionaux aussi. Ça, c'est un projet qui m'intéresserait dans le futur. Et étant impliqué au sein de l'ARS, ça peut être plus facile à amener des affaires comme ça. Ensuite, c'est des projets, mais regarde, on verra. On va commencer par s'asseoir, puis regarder, puis écouter comment ça fonctionne. Et puis, rendu là, ben, on va donner notre avis, puis on va s'impliquer dans les dossiers qui nous intéressent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Y avait-tu aussi à mentionner, Benoît, à terminer? La dernière mention, retour de Zidane avec le Real Madrid. On sait que Zidane a 3 Ligues des champions derrière la cravate, 2 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du monde des clubs, et ça, une Liga, un champion d'Espagne, une Super Coupe d'Espagne, et ça, Danny, en 3 ans, 3, 4, 5, 7, 9 trophées. Donc, puis la Ligue des champions, on sait que c'est très relevé, là. Et Zidane l'a dit, il est parti parce qu'il voulait avoir de la fraîcheur dans le vestiaire. Le président Pérez ne lui donnait pas nécessairement tous les cordes qu'il voulait. Et il savait bien que qu'avec Ronaldo, ça brassait. Déjà, quand le Real a gagné sa Ligue des champions l'année passée contre Liverpool en finale, Ronaldo a pris le micro et a déjà annoncé qu'il partait peut-être. Donc déjà, ça a commencé à brasser un peu. Et puis, t'as des gars comme Gareth Bale qui est appelé peut-être à partir. T'as des gars comme Modric. C'est son, comme en fin de parcours, en fin de cycle, le Real Madrid. T'as des gars comme Benzema. Donc, c'est des gros noms, ça. T'as aussi Marcelo, le latéral, qui est le Brésilien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est tous des gars qui ont fait gagner là, Zidane avec le Real Madrid. Maintenant, est-ce que ces gars-là vont être de retour l'an prochain? Là, le Real Madrid est éliminé de la Ligue des Champions et troisième au championnat. Et pour probablement pas terminer premier derrière le Barcelone et l'Atlético. Donc, on veut terminer la saison en beauté. Et puis, l'an prochain, ben, je pense que Pérez, le président, va avoir beaucoup, beaucoup d'argent là, pour que Zidane vise d'aller chercher des transferts, des gros joueurs.